La mer qui veille à l'aurore, sur les phares et les sémaphores, sur ses coraux et ses amphores, se prête aux belles métaphores et fait de l'homme un être fort. Et fait de l'homme un être fort. La mer, obsédante, obsidienne, m'éveille dès le lever du jour, me tient éveillé tout le jour. C'est ma tasse de vie quotidienne. C'est ma tasse de vie quotidienne. La mer qui veille au crépuscule, à la moindre des particules de ses écailles et tentacules. La mer avec une majuscule fait de l'homme un point minuscule. Fait de l'homme un point minuscule. La mer, obsédante, obsidienne, m'éveille à la tombée du jour, me tient éveillé tout le jour. C'est ma tasse de vie quotidienne. C'est ma tasse de vie quotidienne. La mer veille sur ses mystères, sur ses merveilles et sur la terre, jusqu'aux criques et jusqu'aux fougères. Moi poète comme un fougère, ma seule offrande sont mes vers. Ma seule offrande sont mes vers. La mer, obsédante, obsidienne, éveille mes sens aux alentours, me tient éveillé à l'amour. C'est ma poésie quotidienne. C'est ma poésie quotidienne. La mer qui veille à l'aurore, sur les phares et les sémaphores, sur ses coraux et ses amphores, se prête aux belles métaphores et fait de l'homme un être fort. Et fait de l'homme un être fort.